mes bottes usées. Chaque pas résonne comme un coup du palais. Le soleil quand la poussière s'accroche. Rider's Kill avance, la gorge sèche. L'âme farouche. Façade au whisky qui embaume, un saloon brisé, des regards perdus. Chaque verre raconte des destins. Piano joue des notes d'autrefois. Rider's Kill s'assoit, le souffle court. La poussière chante la fin du jour. Dust and whiskey. La voix sous le chapeau, un regard acier. Rider's Kill brûle sans jamais plier. Chaque duel laisse des ombres derrière. Chaque tombe une prière dans la poussière. Les cactus pointent comme des jus sévères. Chaque nuit creuse de nouvelles affaires. Le désert avale les âmes trop lentes. Seuls les corbeaux restent poussière brûlante. La lune est claire. Guitare grince, l'air est assis. Rider's Kill chante sa vérité dans les plaines, son nom gravé. Dust and whiskey riding through the storm. All right, anyway. fighters qu'il survit. Mais jamais ne reste. Mais jamais ne reste.